mère, tu m'as la prends. Viens prendre ta gifle, les paroles ça compte que quand t'agis. Trop de moments tragiques, de darons sous antalgique. J'rappe sans stratégie, j'm'en tape des chiffres. Pas de son qui bouge, j'rappe avec mes tripes, j'ai le sang qui boue. Putain t'es sorti tout, toi et tes rimes. Tu perceras pas donc atterris, c'est à tes risques. Péril le temps passe vite quand j'gratte des lits. J'charge en plein délire quand j'vois comment la télé ment. À quel point la terre est grande, j'connais pas le manque d'impériment. D'ailleurs j'le big up fort, après j'referme la parenthèse. Un homme calme dans la tempête, j'apprends que la force et la tendresse. Envers les siens, envers ceux que t'aimes, la défaite. On veut pas l'accepter, du mal à se confier. Pour parler on accepte, tu vas finir en dessous de cette terre. Tout ça pour un bout de secteur, faut que la street elle te baisse dans tous ses termes. Beaucoup de jeunes prometteurs qui terminent comme guetteurs ou morts en scooter. Pas le droit à l'erreur car ici l'ignorance coûte cher. J'ai parsemé mon ciel d'étoiles pour que je puisse plus facilement m'y retrouver. Besoin d'air, besoin d'espace, là où le vice m'a trop souvent étouffé. Mais malgré ça je garde espoir, j'essaie d'y voir clair même plongé dans le noir. Malgré ça, je garde espoir. Malgré ça, je garde espoir. Et le temps me rattrape, il me rappelle que je me fais vieux. En vrai, chez Hap, dans quel dépanier je mets mes œufs. Rien d'adéquat, je m'en sortirai mieux avec un vœu. Quand la galère frappe, t'es obligé de passer aux aveilles. J'ai mis de t'écho mes sentiments quand ces derniers me rendaient aveugle. Et je peux durer que j'ai le sang qui monte quand mes plans tombent et se cassent la gueule. Pas rassurant comme ciel qui gronde et qui t'annonce que ça sera le sbeul. Et j'appréhende régler mes comptes, évidemment que je ne suis pas le seul. Où je vais et pourquoi? Y a-t-il une date butoir pour donner la réponse? Dois-je rester courtois ou est-ce que j'arrête de faire semblant? Et je dis ce que j'en pense, j'ai vu l'amour au bout d'une corde. J'ai vu la mort rire à s'entendre, il est dur d'avouer ses torts. Est-il trop tard pour qu'on s'entende? Les chances sont minces comme prendre un mur à plus de 130. Les gens qui traînent peuvent te la mettre sans consentement. J'ai parsemé mon ciel d'étoiles pour que je puisse plus facilement m'y retrouver. Besoin d'air, besoin d'espace, là où le vice m'a trop souvent étouffé. Mais malgré ça, je garde espoir, j'essaie d'y voir clair, même plongé dans le noir. Mais malgré ça, je garde espoir. Malgré ça, je garde espoir. J'ai parsemé mon ciel d'étoiles pour que je puisse plus facilement m'y retrouver. Besoin d'air, besoin d'espace, là où le vice m'a trop souvent étouffé. Mais malgré ça, je garde espoir, j'essaie d'y voir clair, même plongé dans le noir. Mais malgré ça, je garde espoir. Malgré ça, je garde espoir.